C'était une légende vivante, le roi des rois, ainsi qu'on le nommait. Mais ce n'était pas son seul titre, puisqu'on l'appelait aussi l'élu de Dieu, le lion conquérant de la tribu de Juda, et plus simplement le négus, c'est-à-dire le roi. Je veux bien sûr parler de Haïlé Sélassié, souverain d'un pays tout aussi légendaire que sa personne, l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est peut-être le berceau de l'humanité, puisqu'on y a trouvé la célèbre Lucie, une australopithèque qui vivait dans la vallée de l'Awash il y a 3 millions d'années. Une de nos lointaines grand-mères, pour reprendre un cliché journalistique. Beaucoup plus près de nous, l'Éthiopie, c'est le pays de Punt, des Égyptiens, là où le pharaon envoyait des expéditions qui rapportaient de l'encens et de l'or. Encore un peu plus tard, il y a environ 3000 ans, des émigrants de la péninsule arabique, issus du mythique royaume de Saba, ont traversé la mer Rouge et se sont installés sur les hauts plateaux éthiopiens, où ils se sont mêlés à la population locale, une mixité dont sont issus la plupart des Éthiopiens d'aujourd'hui. Il faudrait encore parler de la christianisation du pays au IVe siècle de notre ère et de sa résistance farouche à l'islam conquérant 3 siècles plus tard. Une résistance qui doit aussi beaucoup à la géographie. Les hauts plateaux éthiopiens sont difficilement accessibles et favoriseront l'existence d'une civilisation originale au milieu du grand ensemble musulman. Un isolement naturel qui permettra également au pays d'échapper longtemps à la colonisation européenne. Mais ce qui intéresse M. X, c'est l'histoire moderne de l'Éthiopie et cet événement inouï qui vit en 1974 la chute du plus vieil empire du monde, le plus vieux, mais aussi le plus mystérieux. C'est sans doute l'image qui a précipité la chute de l'empereur Haïlé Sélassié et qui a en tout cas brisé à jamais sa réputation internationale. Le négus, entouré de chiens, leur jette des morceaux de viande disposés sur un plateau en argent que lui présente un valet en livrée. Or, au même moment, des dizaines de milliers d'Éthiopiens meurent de faim dans la région du Wolo. Une image qui fait scandale. Pas forcément. Ce gâchis, cette insensibilité, ça ne pouvait que choquer l'opinion internationale. Et lorsque le négus a été renversé, personne à l'étranger n'a levé le petit doigt pour essayer de le sauver. Pourtant, il faut le dire tout de suite, le personnage n'était pas sans mérite. Oui, et il a en plus longtemps incarné la résistance à la colonisation. À la colonisation et au fascisme, puisque c'est Mussolini qui a occupé son pays avant la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ah, ça, je m'y attendais. Pas d'ironie, je vous en prie. Bon, Haïlé Sélassié, de son vrai nom, Tafari Makonnen. Mais alors, pourquoi Haïlé Sélassié? En langue amharique, la langue officielle de l'Empire, ça veut dire « force de la Trinité ». Et c'est le nom qu'adoptera le jeune prince lorsqu'il sera couronné en 1930. Haïlé Sélassié, donc, affirme être le dernier avatar d'une lignée aussi prestigieuse que mythique. Il serait en effet le 225e descendant de Salomon. Et cette dynastie serait issue du fruit des amours entre Salomon et la reine de Saba. Oui, rien que ça. Hein. En effet. Autant vous dire que tout cela me paraît très douteux, mais enfin, peu importe. Les Éthiopiens y croyaient et n'étaient pas loin de considérer leur empereur comme une sorte de demi-dieu. Ils n'étaient pas les seuls, d'ailleurs. Ah, qui d'autre? Des Jamaïcains, ceux qu'on appelle les Rastas. Et Bob Marley. Oui, tous ces musiciens qui ont popularisé le reggae. C'est une histoire très curieuse et qui mérite d'être racontée. Allez-y, alors. Au XXe siècle, dans les années 20, Marcus Garvey, un ardent propagandiste de la cause noire, affirme qu'un roi serait bientôt couronné en Afrique et qu'il mènerait le peuple noir à la délivrance. Une sorte de messie, quoi. Exactement. Et notez-le bien, peu après, Haïlé Sélassié est effectivement couronné empereur. La prédiction se réalise, là. C'est une véritable religion qui voit le jour. Un syncrétisme qui mêle des références bibliques et d'anciennes croyances africaines. Ouais, la religion Rasta. Oui. Mais ce nom Rasta, là. Haïlé Sélassié, avant d'être couronné, était appelé le Rastafari, c'est-à-dire le prince Tafari. Ah oui, Rastafari d'où Rasta. Voilà. Voilà, le négus n'était pas indifférent à ce culte qu'on lui vouait. Il en a même rajouté, en se faisant appeler plus tard, le lion conquérant de la tribu de Juda. Il savait très bien que cette mystique développée autour de sa personne ne pouvait pas nuire à son pouvoir, bien au contraire. Il faut aussi noter que le futur Haïlé Sélassié a remercié les Rastas à sa façon en leur donnant 500 hectares de terre en Éthiopie. Ils ont venu ? Bien sûr. et certains qui considèrent toujours l'Éthiopie comme une terre bénie sont encore là, même si leur existence est de plus en plus précaire. Enfin, je m'éloigne là. Je parlais donc de la filiation légendaire de Haïlé Sélassié. Au départ, il y aurait Ménélique, le fils de Salomon. Et je ne sais pas si c'est un rappeur là, mais il existe un rappeur qui se fait appeler Ménélique. Ah, je ne savais pas que vous vous y connaissiez si bien en rap. Mais pourquoi pas? En tout cas, ce rappeur n'a pas pris ce nom par hasard. Ménélique, le vrai, aurait subtilisé l'Arche d'Alliance dans le temple de Jérusalem et l'aurait caché à Aksum, la ville sainte de l'Éthiopie. Et longtemps après, on va retrouver un Ménélique à la fin du 19e siècle. Alors, Ménélique II? Tout à fait. Et tous les historiens s'accordent à dire que cet empereur est le véritable fondateur de l'Éthiopie moderne, parce qu'il a mis fin, sous son autorité, au morcellement du pays en féodalité rivale. C'est lui aussi qui a conquis des territoires au sud du pays. Enfin, et ce n'est pas le moindre de ses titres de gloire, il a rejeté à la mer les troupes italiennes qui entendaient annexer l'Éthiopie. Mmh. Et la religion, là? Le pays est largement christianisé par les orthodoxes et les coptes. Mais au nord, on trouve des musulmans. Et puis, il y a aussi les falachas. Mmh. Les juifs éthiopiens. Là. Oui, qui estiment, je crois, être les descendants d'une tribu perdue d'Israël. Alors, Haïlé Sélassié, né en 1892, donc sous le règne de Ménélique II, il est le fils d'un prince, un ras, gouverneur du Harar. Et selon la légende, ce prince Mekonnen serait issu en ligne directe du roi Salomon et de la reine de Saba. Tafari Mekonnen, le futur Négus, succède à son père au décès de celui-ci. Puis, quand Ménélique meurt à son tour et que son épouse est couronnée impératrice, Tafari est nommé régent du royaume. Il n'a alors que 25 ans. Lourde tâche, hein. En effet. Mais ça va lui permettre de préparer en douceur son accession au pouvoir, non sans avoir auparavant écarté le successeur légal, c'est-à-dire le petit-fils de Ménélique. Comment, hein? Opportunément, le chef de l'église éthiopienne, soupçonnant ce petit-fils de vouloir épouser la religion musulmane, l'excommunie. Ses droits au trône sont donc automatiquement abolis. Et vous pensez qu'il y a, comment dirais-je, une manœuvre là-dessous? Pourquoi pas? Dès cette époque, le futur Négus impressionne. Frêle, visage fin et bien dessiné, long nez busqué, ce jeune homme paraît déjà diablement adroit et intelligent. Et il ne semble guère fait pour les seconds rôles. Petit à petit, il se débrouille pour confiner l'impératrice dans une fonction purement représentative. Mais c'est lui qui gouverne dans les fêtes, quoi. Il gouverne et il apprend son métier en voyageant. Le Caire, Jérusalem, Paris, Londres, Rome. Tafari se fait donc connaître à l'étranger. Et dans les grandes capitales, on apprécie ce personnage moderne teinté d'exotisme. En outre, il veut absolument que son pays rejoigne le concert des nations, la SDN à l'époque. Oui, c'est-à-dire la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Oui, mais enfin, pour ce faire, il doit prendre une décision quasi révolutionnaire, l'abolition de l'esclavage. Oui, parce qu'il y avait encore des esclaves en Éthiopie. Et les marchands y pratiquaient encore la traite à destination de l'Arabie. L'Éthiopie était alors un pays très arriéré. Je ne sais plus qui a dit lors de la mort de Haïlé Sélassié, il faut reconnaître un mérite au Négus, il a fait passer son pays du 12e au 14e siècle. C'est quand même pas très aimable. Non, mais ce n'est pas tout à fait faux. En 1974, quand il sera pratiquement déposé par les militaires, les grands féodaux et propriétaires terriens continuaient à traiter leurs paysans comme des serfs. Quant au régime politique, c'était une monarchie absolue, terriblement rétrograde. Et pour tout dire, très ridicule. Mais on y reviendra. Pourtant, à l'extérieur, Haïlé Sélassié était plutôt considéré avec sympathie. C'est certain, oui. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, voyons la suite. Dès 1928, alors que l'impératrice sans titre est encore vivante, il se fait couronner Négus, c'est-à-dire roi. Et 2 ans plus tard, à la mort de la souveraine, il devient empereur et roi des rois. Ben voyons. Il a alors la trentaine, hein. Et à force d'intrigue et d'habileté, il l'a emporté sur tous ses rivaux, essentiellement les héritiers de Ménélique II. Et il a bien l'intention de gouverner sans partage. Il le prouve d'ailleurs 1 an plus tard en promulguant une nouvelle constitution. Mm-hmm. Qu'est-ce qui change, hein? Pas grand-chose. Le Négus et l'aristocratie gardent l'essentiel du pouvoir. Alors, qu'on pouvait attendre de ce jeune souverain frotté aux réalités occidentales une évolution de ce régime archaïque. Et surtout une vraie démocratisation, mais il n'en est rien été. J'ajoute que le couronnement solennel a été fastueux. Une débauche de luxe indécente dans un pays aussi pauvre. Quoi qu'il en soit, si Haïlé Sélassié n'est pas décidé à céder une miette de pouvoir, il procède quand même à une réforme de l'État. Ah bon? Quel ordre? Il s'agit essentiellement de renforcer ces structures et de les moderniser. en remplaçant, par exemple, les chefs provinciaux par des fonctionnaires, ou en constituant une armée disciplinée et une police efficace. Et comme pour atteindre ces objectifs, l'Éthiopie a besoin de cadres, Haïlé Sélassié décide aussi de développer l'éducation et d'envoyer des jeunes gens se former à l'étranger. Bah, tout ça va plutôt dans le bon sens. Oui, oui, même si c'est toujours dangereux pour un dictateur ou un monarque absolu comme Haïlé Sélassié de permettre à ses sujets d'aller voir ailleurs. Oui, ça pourrait leur donner des idées. En effet. Mmh. Mais le danger ne va pas venir de là, mais de l'extérieur. Haïlé Sélassié, dit Monsieur X, a tenté de moderniser son pays. Mais a-t-il réussi? Voici l'analyse de Maxime Rodinson dans un numéro du Monde de septembre 1974. L'esclavage était le grand cheval de bataille des ennemis de l'Éthiopie à l'extérieur. En fait, on y connaissait surtout une sorte de servage et un esclavage domestique limité. La traite était le fait de tribus excentriques et était dirigée vers l'Arabie. Des lois furent édictées, une société fondée pour protéger les esclaves, en libérer graduellement certaines catégories et interdire la traite. C'était là des mesures en partie symboliques. Bien plus symbolique encore était la constitution octroyée en 1931. L'empereur reconnaissait qu'elle avait surtout un but pédagogique. Elle ne limitait nullement son pouvoir car il nommait les ministres et les sénateurs et choisissait provisoirement les députés. Mais la vieille aristocratie gardait l'essentiel de son pouvoir, occupait les postes d'autorité, se partageait les prébendes, dominait et humiliait les membres de la nouvelle bureaucratie. Les provinces ne ressentaient que très partiellement les impulsions du pouvoir central. Beaucoup restaient semi-indépendantes et leurs chefs multipliaient les intrigues, fût-ce avec l'étranger. L'Église, richement dotée, très archaïque, d'un très bas niveau moral et d'instruction, était un puissant appui du conservatisme. L'empereur avait très peu de moyens de pression sur elle, car elle dépendait d'une autorité étrangère, le patriarche copte monophysite d'Alexandrie, qui déléguait un moine égyptien pour servir de métropolite en Éthiopie. Alors ce danger-là, c'est l'Italie, n'est-ce pas? Bien entendu. L'Italie qui n'a cessé de lorgner vers l'Abyssinie, comme on disait alors. Ouais, pour en faire une colonie. Naturellement. Et les Italiens avaient déjà pris pied dans la corne de l'Afrique. Oui, c'est en Somalie. Hein. C'est ça. Ouais. Le sud de la Somalie qui était devenu à la fin du 19e siècle un protectorat italien. Et je vous l'ai dit une première fois, Rome avait essayé de conquérir l'Éthiopie, mais l'armée de Ménélik avait repoussé l'envahisseur. Et il était évident que Mussolini, qui rêvait de se construire un empire à la romaine, voudrait un jour ou l'autre venger cette humiliation et trouverait le moindre prétexte pour agir. Et malgré la signature, en 1928, d'un traité de paix et d'amitié, les armées fascistes se lancent à l'assaut de l'Éthiopie en 1935. Haïlé Sélassié est-il en mesure de résister? Non. Et d'abord parce que son armée n'a pas encore été réorganisée comme il le désirait. En fait, elle est encore morcelée, car les grands féodaux sont jaloux de leur indépendance. Ouais, ils veulent continuer à commander leurs propres troupes. Et en face, il y a une armée moderne à laquelle les Éthiopiens ne peuvent opposer que leur courage. Songez qu'ils ne disposent que de 13 avions. Pourtant, malgré la supériorité technique des envahisseurs, les Éthiopiens leur donnent du fil à retordre. Et les Italiens finiront par utiliser les gaz pour venir à bout de leurs adversaires. C'était la première fois depuis la Grande Guerre. En effet. Et ça aurait dû valoir à Mussolini une réprobation unanime des grandes nations. Eh bien, pas du tout. Au contraire, les États occidentaux, il faut bien le dire, ont froidement laissé tomber l'Éthiopie. À Munich avant l'heure. Et pourtant, enfin, l'agression italienne était évidente. Oui, mais personne ne voulait contrarier Mussolini. Ni la France, ni la Grande-Bretagne. Mais pourquoi? La raison officielle était qu'il ne fallait pas pousser Mussolini dans les bras d'Hitler. Ce qui ne manquerait pas d'arriver si on condamnait l'agression italienne. En réalité, c'est en tout cas mon avis, ni la France, ni la Grande-Bretagne ne voulaient se mêler de cette affaire, car elles étaient elles-mêmes des puissances coloniales installées dans la région. La France à Djibouti et la Grande-Bretagne au nord de la Somalie. Alors, oui, condamner l'agression, c'était aussi remettre en cause leurs acquis coloniaux? C'est ce que je pense. Et qui explique la formidable lâcheté des dirigeants français et britanniques. Quant à la SDN, elle a renvoyé l'agresseur et l'agressé dos à dos. Toutefois, elle n'a pas osé exclure l'Éthiopie après la victoire italienne. Quand même. Alors, que devient Harry Selassie est là. Il demeure dans son pays jusqu'en mai 1936. Puis il se décide enfin à partir à l'étranger afin de plaider la cause de l'Éthiopie. Et disons-le tout de suite, c'est ainsi qu'il va s'attirer la sympathie d'une grande partie de l'opinion internationale. Car il y avait quelque chose de pathétique dans la volonté de ce petit homme de réclamer inlassablement et partout la liberté pour son peuple. Une sorte de Gaulle éthiopien. Oui, et d'ailleurs de Gaulle lui manifestera toujours de grands égards lorsqu'ils se rencontreront plus tard au cours de visites officielles. Quoi qu'il en soit, la comparaison n'est pas vaine. Car si de capitale en capitale, Haïlé Selassie accuse l'agresseur italien, à l'intérieur de l'Éthiopie, des maquisards mènent la vie dure à l'occupant. Mais comme en France, les résistants, quoi. Voilà. Raids, attentats, sabotages, les résistants éthiopiens sont particulièrement efficaces. Et finalement, les troupes fascistes n'occupaient vraiment que les villes. Oui, mais la situation va rapidement évoluer lorsque l'Italie entre en guerre aux côtés de Hitler. Hein. Ben forcément. Et après avoir occupé la Somalie britannique, les Italiens vont être chassés sans gloire par les alliés de toutes leurs conquêtes africaines. Somalie, Érythrée, Libye et bien sûr Éthiopie. Et Haïlé Selassie, qui de la capitale du Soudan voisin avait appelé ses compatriotes à la résistance, peut rentrer chez lui en triomphateur. Quand ? En mai 1941. Il est donc resté en exil 5 longues années. Hein, c'est ça. Il y a gagné une incontestable popularité et même une stature internationale. Alors, voyons la suite. Dès 1944, les soldats britanniques évacuent l'Éthiopie qu'ils ont contribué à libérer. Le pays redevient un État souverain à part entière. Mais c'est un pays toujours aussi pauvre. Malheureusement, oui. Malgré les aides états-uniennes que le Négus a habilement négociées dès la fin de la guerre, en jouant de son prestige. Alors, Haïlé Selassie se situe donc dans le camp occidental ? Globalement, oui. Mais il veille à ce que son pays entretienne de bonnes relations avec les deux camps. Et même s'il privilégie les liens avec Israël. À cause de Salomon, hein, son ancêtre ou prétendu ancêtre. Bien sûr. Toutefois, il n'en oublie pas pour autant les États arabes avec lesquels il est en bon terme. Ça, c'est le côté reine de Saba. Oui, si vous voulez. En 1952, l'ONU décide de fédérer l'Érythrée, ancienne colonie italienne, administrée par la Grande-Bretagne, à l'Éthiopie. Une sorte de récompense. En effet. Hein? D'autant que le Négus, suivant les prescriptions onusiennes, a envoyé un contingent en Corée. Il recommencera un peu plus tard, lorsque la crise de l'ex-Congo belge éclatera. Car désormais, Haïlé Selassie va s'intéresser de plus en plus à l'Afrique. Et surtout, bien sûr, après l'émancipation en 1960 de la plupart des États africains. Oui. C'est même lui, je crois, hein, qui va être l'initiateur de la création de l'OUA. L'Organisation de l'Unité Africaine, oui. Mmh. En 1963. Et le siège de cette organisation, ce sera la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Ouais. Ça représente ça, un succès diplomatique personnel pour le Négus. Ah, ça, c'est incontestable. Mais auparavant, Haïlé Selassie a dû faire face à une grave crise dans son propre pays. Quoi ? Je vous explique. Malgré une évolution politique et économique plutôt positive, les mécontentements s'accumulaient. Alors, cette évolution politique ? Ouais, elle était bien timide. En 1955, par exemple, le Négus avait accepté la promulgation d'une nouvelle constitution. Les députés étaient désormais élus. En principe, du moins. Pourquoi en principe ? Parce que dans les faits, il devait plaire à Haïlé Selassie. Ah ouais. Le Premier ministre pouvait aussi choisir ses ministres, à condition qu'ils soient agréés par l'empereur. Ouais, une caricature de démocratie, donc. D'autant que le régime imposait une censure rigoureuse. Cette chape de plomb était de plus en plus insupportable aux élites éthiopiennes qui, grâce à leur séjour à l'étranger, ne pouvaient manquer de faire des comparaisons et critiquaient de plus en plus le conservatisme de leur propre pays. Et les structures là, quasi-féodales qui subsistaient, c'est bien ça, évidemment, hein, ouais. Toujours. L'exemple venant du plus haut, c'est-à-dire de la cour de Haïlé Selassie. Une nébuleuse d'intrigants qui se disputaient la moindre miette de pouvoir et vivaient des privilèges et prébendes distribués par le souverain. Oui, mais le Négus, un homme intelligent, m'avez-vous dit, ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la situation. C'est vrai. Et il en profitait pour museler les uns et les autres. Toujours silencieux, imposant une étiquette d'un autre âge, il semblait se réfugier dans les hauteurs. Oui, le demi-dieu, toujours. Oui, oui, songez qu'il existait à la cour un dignitaire dont la seule fonction consistait à placer sous les pieds du souverain un coussin. Mais attention, pas n'importe quel coussin. Il en existait des dizaines adaptés aux différents trônes sur lesquels l'empereur posait son séant. Ça mérite une explication, ça. Le Négus, comme vous le savez, était très petit. Or, il eût été du plus grand ridicule de voir l'empereur tricoter des pieds dans le vide. Il fallait que ses augustes pieds reposent par terre. Exactement. Mm. Et la hauteur du coussin avait été calculée en fonction de celle du trône. C'est risible, bien sûr, mais il en allait de la majesté du souverain. Au reste, Haïlé Sélassié, qui paraissait vivre dans un monde supérieur, n'ignorait rien des manœuvres des courtisans grâce à ses espions. Ouais. Et il sévissait à l'occasion ? Bien entendu. La disgrâce était immédiate et souvent brutale. Alors, revenons à ses opposants qui complotaient dans l'ombre. Cette contestation était aussi alimentée par l'esprit anticolonialiste qui régnait en Afrique. Des mécontents qui flirtaient avec le marxisme sans toutefois prendre parti dans la grande affaire de l'époque, c'est-à-dire la guerre froide. Oui, ce n'étaient donc pas les communistes. Non, pas franchement parlé. Et la tête pensante de ce mouvement d'opposition, un jeune gouverneur nommé Germain Neuwe, avait même fait ses études politiques aux États-Unis. Ce n'était pas un révolutionnaire, quoi. Mais un réformiste et un idéaliste, un homme qui était particulièrement bien placé pour passer à l'action. Car son frère, Mengistu, était un général qui commandait la garde impériale. Nous allons revenir sur cette tentative de putsch, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un mot avant de retrouver M. X. Le journaliste polonais Richard Kapuściński a recueilli de nombreux témoignages anonymes sur la cour de Haïlé Sélassié. Celui-ci, par exemple, émanant d'un haut dignitaire. La vie au palais, aussi animée et fiévreuse qu'elle parut, était en fait pleine de silence, d'attente et d'ajournement. Chaque ministre choisissait les corridors où il pensait avoir le plus chance de rencontrer l'éminent monarque et de le saluer. Le ministre, qui apprenait qu'on l'avait dénoncé pour déloyauté, montrait la plus vive ardeur à choisir ses itinéraires. Il passait des jours entiers à créer l'occasion d'une obséquieuse rencontre avec son Altesse dans le palais, afin de prouver la fausseté et la malignité de la dénonciation par son humble assiduité et son radieux empressement. Son incomparable majesté avait l'habitude de recevoir ses ministres séparément, ce qui leur permettait de dénoncer plus hardiment leurs collègues et donnait ainsi au monarque un meilleur aperçu du fonctionnement de l'appareil d'État. Il est vrai que le ministre reçu en audience préférait parler des désordres des autres départements plutôt que des siens, et comme son impériale majesté s'entretenait avec tous les dignitaires, elle finissait par avoir une vue d'ensemble. De toute façon, il importait peu qu'un dignitaire fût ou non à la hauteur, du moment qu'il montrait une indéfectible loyauté. En décembre 1960, Haïlé Sélassié, qui adore voyager et parader à l'étranger, s'envole pour l'Amérique du Sud. Et les putschistes menés par les frères Neuwe estiment que c'est le bon moment pour agir. Comme souvent en Afrique, hein, dès qu'un dirigeant quitte son pays. Oui, c'est juste. Mais attendez, là. Vous avez dit que le négus savait tout ce qui se passait. Hein. Mm-hmm. Il aurait donc ignoré les préparatifs de ce complot ? Je pense qu'il était au courant. Un de ses ministres en charge de l'industrie et du commerce n'avait en réalité qu'une mission, espionner et informer le souverain. Et cet homme savait depuis longtemps que les frères Neuwe complotaient. Et ils étaient surveillés de près, surtout le plus jeune. Imaginez que ce réformiste, dans la région qu'il gouvernait, avait osé distribuer des terres à des paysans pauvres. Ah oui, c'est un subversif, ce mec. D'autant que pour ce faire, il avait purement et simplement spolié de grands propriétaires terriens. Ouais, donc on l'avait à l'œil. Oui, car ses notables s'étaient plaints. Bref, Germam et son frère Mengistu, chef de la garde impériale, je vous le rappelle, étaient fortement suspectés. Et pourtant, le négus est parti à l'étranger. Alors, je ne vois qu'une explication. On a tendu un piège au frère Neuwe. Dans les faits, voilà comment ça se passe. Profitant de l'absence du souverain, les putschistes arrêtent tous les membres de la famille impériale et quelques hauts dignitaires. C'est d'autant plus facile que le chef de la sécurité du palais est des leurs. Mais c'est en tout cas la version officielle. Les comploteurs ont omis de couper le téléphone. Et Haïlé Sélassié, qui se trouve alors au Brésil, est informé. Et il décide de rentrer précipitamment. Bien sûr. Et il sait compter sur certains généraux, sûrs. L'armée est chargée de la répression. Et on assiste à un vrai massacre dans les ruines d'Addis Abeba. 4 jours seulement après le début du putsch, le négus peut regagner son palais. Cependant, alors, pourquoi avoir laissé faire ? Il aurait été plus simple et moins coûteux en vies humaines d'intervenir avant le putsch. Certes, mais Haïlé Sélassié a ainsi pu se débarrasser de ses opposants en une seule fois. Ah ouais. Et les frères Newell, hein? Ils ont réussi à s'enfuir. Oh, pas pour longtemps. Une prime est promise à quiconque les ramènerait vivants. Et ce sera le cas du seul German. Son frère ayant été tué, German jugé et condamné à la potence, ainsi que toute une brochette de conspirateurs. Mmh. Célestia a donc sauvé son trône? Oui, mais il n'a pas pour autant mis fin au mécontentement, car il ne tire pas les leçons de ce putsch. Ce qu'il ne réforme pas, c'est ça? Bien sûr. Et tandis qu'il continue à vivre fastueusement, à voyager, à recevoir les grands de ce monde et à jouer son rôle de guide de l'Afrique, il va devoir affronter une autre crise. Encore une tentative de putsch? Non, pas tout de suite. Cette fois, il s'agit de l'Érythrée. Ce pays, je vous le rappelle, a été fédéré à l'Éthiopie sur décision de l'ONU. Et ça ne suffit pas au Négus. Ce qu'il veut, lui, c'est la fusion. Ce qu'il annonce en 1962. Immédiatement. Un mouvement séparatiste voit le jour en Érythrée. Un front de libération qui entend lutter les armes à la main. Une rébellion. Et qui est exacerbée par la question linguistique, car Haïlé Sélassié veut imposer la principale langue éthiopienne, la langue amharique, à tous ses sujets. Dont les Érythréens. Oui, et ça passe très mal. À tel point que les étudiants érythréens se détournent d'Addis Abeba et rejoignent les universités des pays arabes voisins. Mais ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que le Négus, ardent promoteur de l'unité africaine et qui entend se poser en médiateur dans la plupart des conflits interafricains, donne un exemple détestable en menant une véritable politique coloniale en Érythrée, mais aussi dans les marges de l'Empire. Et cette question érythréenne deviendra de plus en plus préoccupante. En effet. Et aujourd'hui encore, après une guerre épouvantable qui s'est terminée par la sécession des deux pays, la tension demeure et le conflit pourrait se rallumer au moindre incident. Mais passons, on en reparlera peut-être un jour. En tout cas, la période qui suit le premier putsch n'est pas de tout repos pour Haïlé Sélassié. Il ne se passe pas d'années sans manifestations étudiantes ou jacqueries, car les paysans supportent de plus en plus mal l'exploitation dont ils sont les victimes. Ils sont encore considérés comme des serfs. Mais le pouvoir ne bouge toujours pas. Non, il semble figé à l'image du Négus lui-même, insensible à la misère de ses compatriotes. Et ça va être particulièrement évident lors de cette terrible famine dont je vous ai parlé au début de cet entretien. Non seulement le gouvernement ne réagit pas, mais il commence par nier. Quant aux possédants, ils demeurent parfaitement indifférents. Après tout, pense-t-il, il y a toujours eu des famines en Éthiopie. Oui, alors une de plus. C'est exactement ça. Mais quand l'existence de cette famine qui va faire des dizaines de milliers de morts sera enfin connue, le prestige du roi des rois est immédiatement terni, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et puis il y a cette image dont vous parliez, du Négus donnant à manger à ses chiens. Pendant qu'une partie de son peuple crève de faim, ouais. Oui. Il apparaît alors évident que son régime ne survivra pas très longtemps. Et chez les militaires, ça commence à gronder. Pas chez les généraux qui font partie des nantis, mais chez les simples soldats et les officiers subalternes. Des militaires qui se plaignent aussi de la modicité de leurs soldes et de l'inégalité qui existe dans l'armée. Quoi, cette inégalité qui reproduit, j'imagine, les inégalités sociales, c'est ça? Bien entendu. Ouais. Les officiers supérieurs n'hésitent pas à détourner une partie des soldes de leurs soldats. Et au début 1974, la crise qui couvait depuis longtemps finit par éclater. Dans le sud, une garnison se soulève. Puis, un mois plus tard, ce sont des militaires engagés contre le front de libération érythréen qui expriment leur ras-le-bol. Réaction du Négus, là? Il temporise et limoge son premier ministre. Mais ça ne suffit pas à calmer les contestataires. La subversion s'étend dans d'autres divisions de l'armée et aussi dans la société civile qui proteste contre la hausse des prix de l'essence. Sous cette pression qui ne cesse de croître, le Négus doit à nouveau reculer et annoncer tout un train de réformes. Oui, mais n'est-il pas trop tard? Oui, beaucoup trop tard. Car déjà, des officiers ont créé, dans la clandestinité, un collectif, le DERG, un acronyme qui signifie Comité des égaux. Et en juin 1974, il passe à l'action et occupe les stations de radio. Alors, encore une fois, comment réagit Haïlé Sélassié? Il ne peut pas faire grand-chose. Il contraint l'impuissance. Oui, c'est à peu près ça. Et faute de mieux, il essaie d'accompagner le mouvement en coopérant avec les putschistes qui commencent à arrêter les dignitaires du régime et les grands féodaux. Tout cela dans une atmosphère de fin de règne. Haïlé Sélassié se rend-il compte de la gravité de la situation? Difficile à dire. Ceux qui l'ont accompagné jusqu'au bout ont dit qu'il avait toujours l'impression d'être au pouvoir, même quand il a été placé en résidence surveillée. Son grand âge, peut-être ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, son dernier discours en juillet, à l'occasion de son anniversaire, témoigne à la fois de son désarroi et de son incompréhension. Ensuite, tout va très vite. Ses palais sont saisis, puis il est officiellement déposé, tandis que les hommes forts de la Révolution sortent de l'ombre. Quoi, ces chefs du comité des égaux, là ? Oui, oui, des officiers qui s'étaient bien gardés jusque-là d'apparaître en public. Et un homme, en particulier, émerge, le commandant Mengistu, Haïlé Mariam. Encore un Mengistu ? Un de plus, oui, un militaire qui, d'ailleurs, ne tardera pas à se débarrasser de ses principaux compagnons. Compagnons et rivaux, donc. Et cette élimination sera radicale. En même temps, ce baptême du sang est suivi de nombreuses autres exécutions dans les rangs des notables de l'ancien régime. Oui, alors c'est la terreur. Hein. Et même les autres opposants qui ont accompagné la révolution, les étudiants par exemple, doivent se tenir à carreau. Mais l'important n'est peut-être pas là. À la fin de l'année, Mengistu, devenu le chef suprême du pays, déclare à la radio que l'Éthiopie opte pour le socialisme. Et ici, il faut bien se poser une question. Bah, j'écoute là. Est-ce que le putschiste Mengistu a bénéficié de l'aide de conseil des agents soviétiques ? Car vous ne l'ignorez pas, il va bientôt se rapprocher de l'URSS. L'URSS qui ne va pas lésiner sur le soutien qu'elle va apporter aux révolutionnaires éthiopiens. Oui, parce que c'est alors le moment où les soviétiques essaient de prendre pied sérieusement sur le continent africain. Mais Mengistu ne tardera pas à décevoir ses amis soviétiques. Voilà, enfin, à cause du caractère sanglant du régime. Hein. Mais, alors, vous avez posé la question du soutien soviétique sans toutefois y répondre. Parce que je vous l'avoue très franchement, je n'ai pas de certitude. Il est certain que le KGB devait avoir l'œil depuis longtemps sur l'Éthiopie. Mais je crois que Mengistu est devenu marxiste-léniniste en marchant. Oui, c'est au fil de la révolution, je le crois. Ouais. Et Haïlé Selassie, malgré sa destitution et sa mise en résidence surveillée, il représentait encore un danger. Et Mengistu a fini par le mettre à mort en 1975, en le faisant étouffer sous un oreiller imprégné d'éther. Monsieur X a évoqué le dernier discours du Négus, un discours pathétique. J'en extrais ces quelques lignes. Je suis, aujourd'hui encore, comme je l'ai toujours été, au service de mon peuple. Mon vœu le plus cher est que la paix continue à régner dans l'Empire. Les récentes mesures que nous avons été amenés à prendre ont été dans l'intérêt du peuple, cet intérêt qui seul guide notre action. La famine qui a entraîné la mort de plusieurs milliers de nos chers fils nous a profondément attristés. Nous allons intensifier l'aide que ces malheureux attendent. Si certains ont commis des erreurs, poursuivit le Négus, ils sont aujourd'hui punis.